إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous entamons, Inch'Allah, le troisième et dernier cours concernant la biographie de l'imam Malik, rahimahullahu ta'ala. Et ceci est tiré, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, d'un ouvrage qui s'intitule « Aqidatul imam Malik ibn Anas, rahimahullahu ta'ala » du docteur Saoud ibn Abdelaziz al-Rajan, أستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. Et nous nous sommes arrêtés au chapitre dans le domaine de la croyance et du dogme qu'avait l'imam Malik rahimahullah ta'ala sur l'amour qu'il avait pour les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Avant cela, je vous avais parlé d'un ouvrage de l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, rahimahullahu ta'ala, qui s'intitule, je m'en souviens maintenant, Al-Ibana an Usul al-Diyana. Ça, c'était pour le titre de un de ses ouvrages. Et il en a un autre aussi qui s'appelle Maqalat al-Islamiyin. Maqalat al-Islamiyin de Al-Ash'ari, rahimahullahu ta'ala. Donc, ce qu'on avait dit sur lui dans un cours précédent. Khamisan, cinquièmement, qawluhu fil iman, la parole de l'imam Malik rahimahullah concernant le terme al-iman. Qu'est-ce que l'iman? Qala Abdullah ibn Nafi' rahimahullah, kana Malik yaqul al-iman qawlun wa 'amal. Donc d'après Abdullah ibn Nafi' rahimahullah qui dit, l'imam Malik rahimahullah disait, l'iman, la foi, c'est parole et acte. Donc là, on comprend un point essentiel dans la aqidah de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, aqidah al-Salaf, rahimahumullah, que la foi n'est pas qu'une parole qui sort de la langue. La foi n'est pas qu'une conviction qui se trouve dans le cœur. C'est un tout. La foi, c'est une conviction dans le cœur, c'est une parole par la langue et ce sont des actes par les membres. Et les œuvres viennent prouver ce qu'il y a véritablement dans ton cœur, la véritable conviction qu'il y a dans ton cœur. Donc ces paroles et ces actes d'adoration font tous partie intégrante de l'iman, la foi. وقال ابن وهب رحمه الله سئل مالك بن أنس عن الإيمان فقال قول وعمل. أي ابن وهب رحمه الله أدي الإمام مالك بن أنس رحمه الله fut questionné sur la foi et il répondit c'est parole et actes. وقال أشهب بن عبد العزيز رحمه الله قال مالك أقام الناس يصلون نحو بيت المقدس يعني في فلسطين كانت هي القبلة الأولى أقام الناس يصلون في نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم أمروا بالبيت الحرام فقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قال مالك وإني لأذكر هذه الآية قول المرجئة إن الصلاة ليست من الإيمان. Et d'après Ashhab ibn Abd al-Aziz, rahimahullah, qui dit, l'imam Malik, rahimahullah, a dit, les gens, c'est-à-dire les musulmans, les premiers musulmans, du vivant du prophète, alayhi salatu wassalam, priaient en direction de Bayt al-Maqdis, en direction de la mosquée al-Aqsa, à Jérusalem, en Palestine. C'était la première qibla. Pendant 16 mois, pendant 16 mois, une année et 4 mois. Puis, il aura été ordonné de prier en direction de la mosquée sacrée à la Mecque. Pour les habitants de Médine, Médine se trouve au milieu. Dans le sud, il y a la Mecque. Et dans le nord, il y a Beit al-Maqdis. Il y a Jérusalem. Donc, il se dirigeait en direction de la Palestine, de Beit al-Maqdis. C'était la Qibla. Il donnait l'ordre à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait que al-Masjid al-Haram, al-Ka'ba, soit la direction de la prière. Et il en fit la demande à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et il levait le regard vers le ciel, attendant la descente, la révélation, qui lui demande de prier en direction de Al-Masjid Al-Haram, Nahw Al-Ka'ba. Allah tabaraka wa ta'ala lit dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, « Qad nara taqallub wajhika fis samaa, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. » فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. Allah lui dit dans le sens du verset, nous avons vu lorsque tu lèves ton regard vers le ciel, nous te ferons diriger vers une direction qui te plaît. Alors dirige-toi vers la maison sacrée. Et là où vous êtes, vous les musulmans, dirigez-vous aussi vers cette direction. Donc, la Qibla a changé. De Beit al-Maqdis, qui était la première Qibla, elle fut changée vers la Mecque. Donc, il fallait qu'il se retourne et qu'il donne dos à la Palestine et qu'il fasse face à la Mecque, al-Masjid al-Haram, où se trouve la Kaaba. Et depuis, c'est la Qibla de tous les musulmans. Et il y a une anecdote. Il y avait un groupe de sahaba à Médine qui était en pleine prière. Si je me souviens, c'est la prière de l'Asr. Et ils priaient en direction de Beit al-Maqdis. Et un compagnon venant de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé et il les a trouvés en prière. Et il leur a dit: l'ordre de changer la Qibla est arrivé. Et pendant leur prière, ils se sont tournés vers la Mecque. C'est-à-dire que dans une prière, ils l'ont commencé dans une direction et ils l'ont terminé dans une autre direction. Pas loin de cet endroit, il y a des ulama qui disent que ce n'est pas le vrai endroit, il y a une mosquée qui s'appelle Masjid al-Qiblatayn, la mosquée des deux Qibla. Il est dit que c'était à cet endroit qu'il y a eu lieu cette action-là. Mais à la kulli hal, ce n'est pas un endroit où il est demandé d'aller visiter. Hein, quelqu'un qui va par curiosité, bon, mais quelqu'un qui pense que c'est demandé, que c'est légiféré d'aller visiter, non, ça peut devenir une innovation. Masjid Quba, na'am. Al-Masjid Nabawi, bien sûr. Mais pas Masjid Al-Qiblatayn, ça n'existait pas à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'était seulement pour vous dire pourquoi on l'appelle Al-Qiblatayn. C'est parce qu'il y a eu ce récit-là, une jama'a qui était en prière. Elle avait commencé en direction de Beit al-Maqdis et elle l'a terminé en direction de Al-Ka'ba. Puis, donc l'imam Malik rahimahullah dit, les gens, c'est-à-dire les premiers musulmans, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, priaient en direction de Jérusalem, de Beit al-Maqdis, pendant 16 mois. Puis, il leur a été ordonné de se diriger, de prier en direction de Al-Masjid al-Haram, la mosquée sacrée de la Mecque. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit, dans le sens du verset, « Et Allah ne va pas vous faire perdre votre foi. » Et là, l'imam Malik dit, c'est-à-dire votre prière accomplie en direction de Beit al-Maqdis. Les musulmans se sont demandé, qu'est-ce qu'il en est alors de toutes ces prières qu'on a fait en direction de Jérusalem? Les récompenses de ces prières, qu'est-ce qu'il en est? Et là, Allah tabaraka wa ta'ala leur dit, Allah ne va pas vous faire perdre les récompenses de vos prières accomplies en direction de Beit al-Maqdis. Vous les avez, vos récompenses. Et là, subhanallah, as-salat, comment elle a été nommée? Elle a été nommée iman. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ أي صَلَاتَكُمْ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a nommé la salat iman. Puis Malik rahimahullah disait, et lorsque je récite ce verset, je me rappelle la parole de la secte des Murji'a qui ont dit, la prière ne fait pas partie de la foi. Subhanallah. C'est-à-dire, c'est, il dit ça par étonnement. Comment font-ils lorsqu'ils passent devant ce verset coranique? Ne vous étonnez pas, beaucoup de gens, même de la masse d'aujourd'hui, ils pensent que les actes ne font pas partie de la foi. Quand tu parles à quelqu'un, qu'est-ce qu'il te dit? Al-iman fil qalb. Combien de fois on a entendu cette phrase? La foi, elle est dans le cœur. Naam, l'intérieur, il y a la foi. Et les œuvres, c'est la foi. Et les paroles, c'est la foi. Le dhikr, le dua, qira'at al-Qur'an, hada min al-iman. As-salat min al-iman. As-sawm, al-hajj, al-zakat, al-ruku', al-sujud, al-sadaqa, ila ghayri dhalik. Al-amr ma'ruf, nahy al-munkar, al-tawaf, bil-ka'ba, ila ghayri dhalik. Tous ces actes d'adoration intérieurs et extérieurs font partie de la foi. Font partie de la foi. La foi, c'est un tout qui englobe la conviction et la croyance qui est à l'intérieur et les paroles avec lesquelles on se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala et les actes des membres avec lesquels on se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le ulama tient à préciser que l'intérieur est en conformité avec l'extérieur. Si l'intérieur, il est bon, cela se reflétera sur l'extérieur. Et si l'intérieur, il est mauvais, de même avec l'extérieur. Qala alayhi salatu wa salam, ala wa inna fil jasadi mudgha. Iza salahat, salaha al jasadu kullu. Wa iza fasadat, fasada al jasadu kullu. Et il y a dans le corps un morceau de chair. S'il vient à être sain, c'est tout le corps qui est sain. Et s'il vient à être mauvais, c'est tout le corps qui le devient. Ala wa hiya al-qalb. Et c'est le cœur. Donc si le cœur il est bon, on le verra dans ton extérieur. Mais que ton extérieur est mauvais, et tu viens nous dire que ton intérieur, il est bon. Quelle contradiction. Quelle contradiction. Donc, ils vont de pair. L'intérieur va de pair avec l'extérieur. Il y a une authenticité, une réalité. Tu aimes Allah, tabaraka wa ta'ala, eh bien, on le voit en toi que tu aimes Allah. On le voit en toi parce que tu adores Allah. On le voit en toi parce que tu fais ce qu'Allah aime. On le voit en toi parce que tu détestes ce qu'Allah déteste. On le voit en toi. Tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On le voit en toi parce que tu obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans tes œuvres, dans tes actes, on le voit. Quelqu'un qui vient te dire « Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Tu es mon préféré. » Mais il fait de la médisance sur toi. Il t'insulte de tous les noms. Il te fait du mal. Il te vole. Tu le crois à sa parole? Est-ce que vous croyez à sa parole? Vous ne croirez pas à sa parole. Vous lui direz, t'es un menteur. Si tu m'aimais vraiment, tu ne me ferais pas ces choses-là. Subhanallah. Et là, c'est une question de dunya. Les juifs, à la Mecque, on dit, à Médine, on dit, nous aimons Allah. Ah, Allah a fait descendre le verset de l'épreuve. Il y a une épreuve. Il y a un test à passer. قَالَ تَعَالَى قُلْ يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, si vous aimez Allah, vous l'avez dit, prouvez-le. Voilà l'épreuve. Prouvez-le. Si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Suivez-moi le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Comme a dit le poète, ta'si al-ilaha wa anta tudhhiru hubbahu hadha al-amri fil fa'ali badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu inna al-muhibba liman yuhibbu muti'u. Tu prétends l'amour d'Allah alors que tu es désobéissant envers lui. Tu désobéis à lui subhanahu wa ta'ala. Une chose bien étrange. Si vraiment tu l'aimais, tu lui aurais obéi, car celui qui aime obéit. Donc c'est contradictoire. Qu'Allah nous préserve de toute forme d'hypocrisie. L'hypocrite, c'est celui qui te fait croire qu'il est musulman, mais au fond, c'est un mécréant. Il déteste l'islam. إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ.